Alors, tout d'abord, nous, les membres du comité d'organisation du colloque, nous tenons chaleureusement à remercier l'AFSR, l'Association française des sciences des religions, sans qui cet événement n'aurait pas été possible. C'est en effet l'AFSR qui nous a donné la chance de nous rencontrer, nous les quatre membres du comité, donc Anna Perrin-Hérédia, Juliette Galonnier et Yannick Fay. C'est une tradition fort établie qu'un événement scientifique soit organisé autour de l'Assemblée Générale Annuelle de l'AFSR, comme l'a rappelé Céline Béraud. Cette année, cela prend une forme un peu nouvelle, puisque nous nous retrouvons sur un site nouveau, avec des partenariats inédits, et nous espérons que ça vous apportera une pleine satisfaction. L'AFSR nous a assuré de son soutien permanent, et nous a donné une grande latitude d'action pour proposer cet événement scientifique. Nous la remercions chaleureusement, le comité d'organisation. Nous remercions en particulier Céline Béraud, sa présidente, et les membres du bureau, Marie Ballas et Jocelyn Tricot. Alors pourquoi organiser aujourd'hui un colloque religion et classe sociale, alors que nous vivons dans un monde plutôt sécularisé et où on assiste à un estompement du sentiment d'appartenance de classe? Il nous a semblé important de mettre en lumière un moment intellectuel particulier où, dans la sociologie, tant générale que religieuse, on assiste au retour de ce concept de classe. Du côté de la sociologie, la recherche sur les classes sociales est en effet en plein essor. Dans la construction d'un appareil statistique unifié en Europe, par exemple, ou bien en élargissant l'analyse de la scène professionnelle à l'ensemble des lieux de vie, la conceptualisation sur les classes sociales connaît une nouvelle vigueur. Du côté des sciences sociales et des religions, Céline l'a rappelé, après de grands moments d'interrogation et de débat dans les années 70-80, dans la sociologie religieuse en France, on avait aussi eu beaucoup de réflexions autour du concept de religion populaire dans les années 70, les interrogations sont un peu tombées en désuétude. Dans la sociologie des religions, ou les sciences des religions, l'accent a été mis beaucoup sur d'autres variables, le genre, par exemple, mais aussi l'ethnicité, et l'intérêt pour l'individualisation des comportements religieux, de l'autonomisation du croire, avait plutôt effacé une approche par classe. À l'époque des expériences spirituelles, il n'y aurait peu de place, finalement, pour des déterminants comme la classe, et s'il en allait autrement. Alors, je reprends la suite d'Anthony pour rappeler quels étaient, en organisant le colloque, nos objectifs. Donc, nous voulions placer ou replacer au centre du débat un certain nombre de questions. D'une part, comment ou dans quelle mesure les religions sont-elles mobilisées pour proposer une grille d'interprétation du monde social? Comment, en pratique, viennent-elles légitimer ou au contraire subvertir l'ordre social? D'autre part, dans quelle mesure la thèse weberienne de la fine sélective entre position sociale et croyance est-elle encore d'actualité? Ou, autrement dit, comment et dans quelle mesure s'articulent appartenance religieuse et appartenance sociale? Enfin, dans une perspective épistémologique, quels sont les usages empiriques des représentations et des catégorisations de qualifications du religieux et les logiques de classement auxquelles ils renvoient? Pour répondre à ces questions, il nous semblait important de pouvoir croiser les apports de différentes disciplines et d'apporter une perspective comparatiste en confrontant sur ces questions différentes aires culturelles. Et donc c'est ce souci relativement prégnant qui nous a conduit à sélectionner les interventions que vous allez entendre pendant ces deux jours et qui explique pour partie le programme. Je ne vais pas le lire, mais essayez plutôt d'en présenter la logique. Nous commencerons ce colloque par une première session autour de la notion d'habitus comme notion particulièrement heuristique pour penser la relation entre pratiques religieuses et appartenance sociale. Et dans la continuité de cette première intervention, les sessions suivantes de la journée visent à penser comment et sous quelles conditions pratiques et représentations religieuses sont appropriées ou réappropriées par certaines fractions de classe. Comment et sous quelles conditions sont-elles susceptibles de devenir enjeux de distinction, de hiérarchisation et donc de lutte au sein d'un même espace social? Comment alors et sous quelles conditions sont-elles susceptibles de participer à la production ou à la reproduction de l'ordre social? Demain matin, les sessions interrogeront la façon dont le religieux et plus encore les réappropriations du religieux sont susceptibles de participer à la production d'un univers commun de référence, voire à la formation d'une conscience de classe. Et demain après-midi, tout l'enjeu sera de saisir comment appartenance religieuse et trajectoire sociale s'articulent et participent de la structuration des rapports de classe. Enfin, Pierre Lassalle nous a fait l'honneur d'accepter de clore ces deux journées de colloque et nous l'en remercions d'ores et déjà vivement. Avant de commencer, je sais que vous êtes impatients, mais il faut néanmoins rappeler un certain nombre de points d'organisation. Donc pour les intervenants et les discutants, je voudrais que vous remettiez impérativement avant la fin du colloque le formulaire de consentement que vous trouverez dans la pochette qui vous a été remise anormalement à l'entrée. Pour les réjouissances, nous rappelons que, contrairement à ce qui avait été annoncé, le cocktail aura lieu ce soir et non demain. Et nous tenions à remercier vivement, outre la FSR, les différents bailleurs de fonds qui nous ont permis d'organiser ce colloque, qui, pour le premier, j'en suis certaine, est très stimulant. Donc, pour les citer tous rapidement, merci donc aux deux associations scientifiques et savantes, l'AFS et l'AUS, aux laboratoires, le CESOR, le CMH, le CURAP, l'ESS, le GSRL, l'URMIS et l'IPOPS, ainsi que les différentes institutions scientifiques et universitaires partenaires, l'UNED, PSL et l'École normale supérieure qui nous reçoit ici même dans ces locaux. Et enfin, Anthony et moi souhaitions remercier tout spécialement Yannick Fer et Juliette Gagnonnier pour avoir porté ce colloque à l'Odora et réussi le tour de force d'en être à la fois les chevilles ouvrières et intellectuelles. Donc vraiment, merci beaucoup. Et sans plus attendre, on va commencer par la première session animée par Yannick Fer et pour laquelle nous écouterons Emily Schaeffer pour une intervention en anglais intitulée Habitus Analysis and Religion in Class. Donc merci beaucoup pour votre attention.